Le son des loups-garous sur le parking mal garé. Les amateurs de deux roues pour toutes les âmes égarées. Je vais pas attraper que la vie est belle pour faire plaisir à Nicolas. Je voudrais l'enterrer à coups de pelle, mais pas pour de la rigolade. Toute une vie au taf, c'est pas mon truc. Je serais plutôt du genre à taffer moins pour gagner plus, encore et toujours plus. Dans la rue ça urge, on a les yeux rouges. L'instinct animal nous ronge lorsque les peines se purent. Génération, nos futurs que l'avenir disqualifie. Motivé mais très peu, la réussite se raréfie. La rue c'est dur comme un coup de barre. Tu connais le dicton frère ou pas. Si le coup part, y'a un coupable. On n'est pas venu pour faire un tube man. Plutôt un truc bad. Genre coup de bouteille sur la nuque à ton rap. Entouré de rue sale, t'as vu ça, c'est brutal. Des larmes dans le futal. Le jour ça guette tard, la nuit ça détaille. On n'est pas venu pour faire un tube man. Plutôt un truc bad. Genre coup de bouteille sur la nuque à ton rap. Entouré de rue sale, t'as vu ça, c'est brutal. Des larmes dans le futal. Un jeune, la nuit ça fait un coupable. J'ai la bouche trop pâteuse et les yeux spots, scotché au canapé ES. Le jour se lève et on se lève que pour joindre net. Mais qu'est-ce qu'on attend pour se faire la malle? Tailler du bull 6, les frères sont de plus en plus costauds pour mieux harag la police. Menacé par l'état, j'esquive comme mamie. Dans le secteur, c'est batte, fais appel à l'US Army. A-t-il du fric à faire ici? Ça trafique dans les affaires, lorsque les billets sortent, l'histoire se clarifie. L'affaire est dans le sac petit. On n'est pas là pour faire des tubes, laisse ça aux péteurs péter, fils ou frère de poulet. Chez moi personne n'est assermenté par les putains qu'ils aillent se faire enfiler, fumer dans le cul. On n'est pas venu pour faire un tube man. Plutôt un truc bad. Genre coup de bouteille sur la nuque à ton rap. Entouré de rue sale, t'as vu ça, c'est brutal. Des larmes dans le futal. Le jour ça guette tard, la nuit ça détaille. On n'est pas venu pour faire un tube man. Plutôt un truc bad. Genre coup de bouteille sur la nuque à ton rap. Entouré de rue sale, t'as vu ça, c'est brutal. Des larmes dans le futal. Un jeune, la nuit ça fait un coupable.